إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Nous poursuivons l'étude du livre « L'éthique des mémorisateurs du Coran » de l'imam Abu Bakr al-Ajurri, rahmahullah, rahmatan wasi'a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et nous sommes toujours dans le chapitre 4 qui traite des comportements des gens du Coran. Et nous nous sommes arrêtés à la parole de l'auteur. Il les regarde, c'est-à-dire ses parents, avec respect et miséricorde. Le mémorisateur du Coran regarde ses parents avec respect. Il ne les regarde pas d'une manière rabaissante ou avec aversion. Et il joint à ce respect la miséricorde. Il est certes miséricordieux avec ses parents, plus particulièrement lorsqu'ils sont très âgés. Car le besoin des parents envers leurs enfants se fait plus ressentir lorsqu'ils ont atteint un âge avancé. Tout comme le besoin de l'enfant envers ses parents, il se fait plus ressentir lorsqu'il est en bas âge. Ensuite, il dit, rahmahullah, il invoque en leur faveur pour qu'ils aient une longue vie. Ici, l'auteur, rahmahullah, rahmatan wasi'a, l'imam Abu Bakr al-Ajurri, nous mentionne un comportement très important concernant la bienfaisance envers les parents. Il nous dit que le mémorisateur du Coran est bienfaisant envers ses parents, tout en espérant qu'ils aient une longue vie, car ceci est la véritable bienfaisance envers eux. Au contraire de celui qui va faire preuve de bienfaisance envers ses parents, tout en espérant leur mort, wal'iyadhu billah, pour être déchargé de cette responsabilité. Et ceci ne fait pas partie de la bienfaisance. Lorsque tes parents t'ont éduqué et ont fait preuve de bienfaisance à ton égard, ils espéraient que tu aies une longue vie, pour que tu sois une réjouissance pour eux. Alors comment peux-tu les aider et te dire jusqu'à quand je vais faire cela? Comment peux-tu dépenser pour eux et te dire Alhamdulillah, bientôt je n'aurai plus à le faire? Et ceci ne fait pas partie de la bienfaisance. Il faut savoir que la bienfaisance envers les parents est une voie qui mène au paradis. L'imam al-Barawi dans son livre Sharh al-Sunnah, ainsi que l'imam Ahmed dans son Musnad, rapporte d'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Je suis rentré au paradis et j'y ai entendu une récitation. » Je dis alors: « Qui est-ce ? » Ils m'ont dit: « C'est Harifa ibn Nu'man. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: « Ceci est la bienfaisance, ceci est la bienfaisance. » Et dans une autre version du hadith, on retrouve l'ajout: il faisait partie de ceux qui faisaient preuve de plus de bienfaisance avec leur mère. Subhanallah. Malgré que ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli de nombreuses œuvres pieuses, telles que la lecture du Coran, le jeûne et autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné sa bienfaisance envers sa mère. Et l'imam al-Zahabi, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre intitulé « Siyar A'lam al-Nubala », mentionne à quel point Haritha ibn Nu'man, radiallahu an, qu'Allah l'agrée, était bienfaisant avec sa mère. Il nous dit, rahimahullah, que Haritha ibn Nu'man donnait à manger à sa mère avec sa main. Et ce n'est pas tout. L'imam al-Zahabi, rahmahullah, nous mentionne une chose surprenante. Tellement Harifa ibn Nu'man, radiallahu an, était bienfaisant envers sa mère, lorsqu'il ne comprenait pas ce que sa mère lui disait, il ne lui demandait pas de répéter. Mais plutôt, il attendait que ses frères et sœurs sortent pour leur dire qu'est-ce que notre mère a dit tout à l'heure. Malgré qu'il n'y a pas de mal à demander à sa mère de répéter une information, Haritha ibn Nu'man délaissait cela, radiallahu anhu. Malheureusement, certains ont tendance à oublier l'importance de la bienfaisance envers les parents. Ils vont faire preuve d'une bienfaisance déconcertante envers leurs amis ou collègues de travail. Tandis qu'avec leurs parents, tu ne vas pas trouver ce même engouement. Il va patienter sur ses amis, mais ne va pas patienter sur ses parents. Et ceci est certes une erreur manifeste. Ensuite, il dit, rahmahullah, et se montrent reconnaissants à leur égard quand ils sont âgés. En effet, rentre dans la bienfaisance de l'enfant envers ses parents le fait qu'il soit reconnaissant envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Luqman: Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn Anishkur li wali walideika ilayyal masir. Nous avons enjoint à l'homme d'être bienveillant envers ses parents. Sa mère a subi pour lui peine sur peine en le portant et en l'allaitant 2 années durant jusqu'à son sevrage. Sois donc reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. C'est vers moi seul que tout fera retour. Il faut se montrer reconnaissant envers Allah, car sans lui, la guidée n'est pas possible. C'est certes Allah Azzawajal qui nous a guidés vers le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ. Et ils diront: louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait guidés. Il faut être reconnaissant envers ses parents pour le bienfait de l'éducation. Ensuite, il dit, rahmahullah, il ne s'irrite pas avec eux. Effectivement, le mémorisateur du Coran ne s'irrite pas avec ses parents. Surtout lorsqu'ils prennent de l'âge et que les ordres et les demandes sont nombreuses. Ils patientent et satisfait leurs demandes. Puis il dit, rahmahullah, et ne les méprise jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith d'Abu Huraira, qui est rapporté par l'imam Muslim, le musulman est le frère du musulman. Il n'est pas injuste envers lui. Il ne l'abandonne pas. Il ne lui ment pas. Il ne le méprise pas. Si le mépris est interdit envers les musulmans d'un point de vue général, qu'en est-il du mépris envers les parents? Si mépriser son frère est un mauvais comportement, alors que dire de mépriser ses parents? Si mépriser son frère peut mener à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala rabaisse son serviteur, alors qu'en est-il pour celui qui méprise ses parents? Nas'alullah al-afiyah wa salam. Ensuite il dit, mais il se montre clément envers eux, même lorsqu'il l'appelle à une désobéissance. Il se comporte bien avec eux pour qu'ils reviennent de la mauvaise chose qu'ils voulaient accomplir et qu'il ne convenait pas qu'ils fassent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans sa sunna que l'obéissance doit être dans le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Également dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a clarifié que l'obéissance des parents doit être dans le bien et elle ne doit pas être dans le péché et la transgression. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. S'il te pousse à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas en cela, tout en te comportant envers eux ici-bas avec bonté. Et il dit également Azza wa Jal, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Entraidez-vous plutôt dans l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement vis-à-vis des interdits, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ensuite, il dit, rahmahullah, il les aide s'il lui demande une assistance pour une obéissance. Comme par exemple si son père lui demande de lui chercher de l'eau pour faire ses ablutions, ou lui demande de l'amener à la mosquée. Il répond à tout cela favorablement. Ensuite, il dit, rahmahullah, donc on avait déjà lu ce passage, il s'abstient de le faire s'il s'agit d'une désobéissance. Mais ils se montrent cléments envers eux-mêmes en leur désobéissant. Ils se comportent bien avec eux pour qu'ils reviennent de la mauvaise chose qu'ils voulaient accomplir et qu'il ne convenait pas qu'ils fassent. Ceci est certes un comportement éminent. Lorsqu'un parent demande l'assistance à son fils pour accomplir un péché, il doit refuser. Ceci dit, il doit être clément. Et doit avoir un bon comportement envers lui, dans le but qu'il délaisse ce péché. Car la douceur et la gentillesse sont plus propices à l'acceptation. Au contraire de la dureté, qui elle fait fuir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Ali Imran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبَ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. C'est par une miséricorde d'Allah que tu as été si doux envers eux. Si tu avais été rude au cœur dur, ils se seraient enfuis de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse Aïcha radiallahu anha, « Ya Aïcha, inna Allah rafiqun yuhibbu rifq wa yu'ti ala rifq ma la yu'ti ala l'unf. » Rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son épouse Aïcha radiallahu anha, « Ô Aïcha, Allah est doux et aime la douceur. Et il donne à la douceur ce qu'il ne donne pas à la dureté. » Ainsi, dans cette situation, le mémorisateur du Coran fait preuve de clémence. Il conseille ses parents avec douceur et leur montre qu'il veut pour eux le bien. Et ça, c'est une chose très importante. Lorsqu'on conseille quelqu'un, lorsqu'on conseille un bien-aimé, un proche, ou même une personne d'un point de vue général, cette personne doit ressentir qu'on veut pour lui le bien. Et le conseil, an-nasiha, comme l'ont défini les savants, c'est iradatul khayr lil mansuhu la. C'est le fait de vouloir le bien pour la personne qu'on conseille. Ainsi, lorsque le mémorisateur du Coran conseille ses parents, il leur montre tout d'abord qu'il veut pour eux le bien. Et c'est probable qu'il utilise certains procédés subtils pour les conseiller. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, il maintient toujours ses liens de parenté et répugne de le couper. Le mémorisateur du Coran maintient ses liens de parenté et ne les coupe pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ar-Ra'd, dans Surat le Tonnerre, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. Ceux qui respectent les liens qu'Allah a ordonné d'honorer craignent leur Seigneur et redoutent que le compte des œuvres ne soit mauvais. Puis il dit, rahmahullah, si quelqu'un coupe avec lui ses liens de parenté, lui, il ne les rompt pas avec lui. Tout cela, barakallahu fikum, dans le but d'obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et son aide. L'imam muslim rapporte, d'après Abu Huraira, radiallahu an, qu'Allah l'agrée, qu'un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, j'ai des proches avec lesquels je maintiens les liens, mais eux les rompent. Je suis bon envers eux, mais eux me causent préjudice. Je suis indulgent envers eux, mais eux sont grossiers envers moi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme? Est-ce qu'il lui a dit, ne parle plus avec eux, ne prends plus de leurs nouvelles? Dans ce cas, tu peux rompre les liens de parenté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, si il en est tel que tu le dis, c'est comme si tu leur faisais manger de la braise, et Allah ne cessera de te donner dessus sur eux tant que tu agiras de la sorte. Subhanallah. Et le véritable maintien des liens ne se résume pas à rendre l'appareil. C'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui maintient les liens de parenté n'est pas celui qui rend l'appareil, mais celui qui maintient les liens lorsqu'ils sont rompus. Mais il n'y a pas de doute que cette chose est difficile, car l'âme a un penchant pour la vengeance. Lorsqu'on va faire du mal à une personne, la personne va avoir tendance à vouloir se venger et ne pas rendre le mal par le bien. Mais le mémorisateur du Coran est celui qui donne une importance particulière au livre d'Allah Azzawajal. Il le lit, le médite et le met en pratique. Par conséquent, lorsque ses proches vont rompre les liens de parenté, il va faire preuve de bienfaisance pour obtenir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va patienter. Il va patienter dans cela et faire preuve de bienfaisance. Au contraire de beaucoup de personnes aujourd'hui. Combien de personnes sont en froid avec certains de leurs proches? Car ces proches en question ont rompu les liens. Au lieu de faire preuve de bienfaisance envers eux, ils ont rendu le mal par le mal. Ils se sont vengés. Et ceci ne convient pas. Car on rend le mal par le bien. Ensuite, il dit, rahmahullah, si quelqu'un désobéit à Allah à son encontre, lui obéit à Allah. Si quelqu'un désobéit à Allah à son encontre, lui obéit à Allah à son encontre. C'est-à-dire que si quelqu'un se comporte mal à son égard, il ne rend pas l'appareil. Mais plutôt, il craint Allah subhanahu wa ta'ala concernant cette personne. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.